Un conseil, Charline, soyez généreuse, Darlene van den Acker. Ah, ça y est, j'ai fait CGT, c'est bon! C'est bon, dites donc, Oui, oui. vous avez eu le temps de travailler ça Un entre vous, tous gros vos flashs. travail, un gros travail. Merci Laetitia Gaillet, on vous retrouvera demain. Puis le prochain point avec l'information, ce sera bien sûr à 18h. Mais nous aussi, nous traitons d'information. Et voici comment nous la traitons, c'est pas joli joli tous les matins. Salut les amis, salut Charline. On reçoit qui là? Ah, on reçoit pour la première fois quelqu'un qu'on a beaucoup charrié dans l'émission. Ah bon? Ah ouais, bien chargé. Hein. Non, ça va, on a chargé tout le monde. C'est un politique alors. Ah, presque. Presque un politique. Mais on avait été méchant. Ah, non, drôle. Comment ça, on n'a pas été méchant avec un type qui est presque politique? Non, on avait fait des vannes plutôt nulles. Excellent. Et nous des vannes nulles. Ouais, c'est pas possible. Si, nul mais drôle quoi. Non, mais écoutez, je vois pas. Écoute, alors attends, je vais te passer sa voix, tu vas peut-être le reconnaître. Mais c'est n'importe quoi, ça c'est un oiseau. Et presque. Et comme on reçoit pas un oiseau, c'est ah, ce que tu comprends presque. Pas. Presque. Mais... Deuxième indice. Ouais, un coup de fusil. Ah, un pan. Non mais écoute, je comprends pas là. On reçoit Thierry le pan. Ah ouais, ah génial. C'est ah ouais, drôle. Ah ouais. Donc on a vraiment fait à l'antenne ces blagues ridicules l'an dernier. Ouais, on s'est démarré, on a même fait pire, on a même passé ça. Bien sûr, c'est ça, parce qu'il nous joue de la flûte le pan. Hein, oui, exactement. Non, ce n'est pas marrant. Alors l'an dernier, j'ai peut-être laissé passer ça. Mais enfin, cette année, c'est du contenu. Oh, on va préparer cette émission sérieusement maintenant. Il n'y aura pas de jeu de mots. Pas de jeu de mots et au boulot, allez, oh, la déception. Ça, c'est bête parce que j'avais encore le panthéon, le Très pan bon. Cucu, Excellent. Le pan germanisme, voilà, super, le pan... Bonjour la France Inter, amis de la blague, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui pousse l'actualité à descendre dans la rue. Et voici les trois informations qui vont se manifester jusqu'à 18h. À 66 ans, on peut encore symboliser la fraîcheur du changement. C'est le cas de Jeremy Corbyn, le nouveau leader du parti travailliste en Angleterre. Des valeurs, mais pas de costume et pas de permis. Vous énervez pas, la voiture de Lénine va bientôt passer. Un convoi de 12 ministres vient creuser le sillon gouvernemental dans la campagne du côté de Vesoul. Le gouvernement part en classe verte. Manuel Valls était impatient, il en parle depuis des semaines. Je suis sûr qu'il y a des jambons crus de montagne. Tu sais qui tue encore jambons crus eux-mêmes, hein? Depuis que le marketing s'est emparé de la musique métal, elle ne marginalise plus ses adeptes, au contraire, elle fédère les familles, paraît-il. C'est le métal pour tous, même si mes mères n'ont pas encore saisi tous les codes. Ah, dis donc, hey, faut prendre une douche, là. Tu sens le punk? Oh là là, punk metal, pas d'amalgame. Et je suis accompagnée de celui pour qui Barbara est déjà une gothique pré-metal, c'est Alex Vizorek. C'est pas tout à fait faux. Bonjour Charline van den Acker, et aujourd'hui, une belle équipe bien masculine pour vous. Je sentais que ça vous ferait plaisir. À 17h20... Ça sent le vestiaire. Quoi? Ça sent le vestiaire. Et il aime le cinéma, c'est sûr. Il a même déjà été plein de fois dans des films. Alors pourquoi, quand on lui demande d'en parler, il prend toujours des chemins de traverse? Il fait la séance buissonnière. C'est Hippolyte Girardot. Bonjour. De quel film de cinéma n'allez-vous pas nous parler? De l'espace. Je ne vais pas donc ne pas vous parler donc de Sandra Bullock. D'accord. Bonne idée. Okay. Il n'y a plus de film. On est parti. À 17h30, il est jeune, il est beau, il a un bon travail. Ah. Autant dire qu'il serait le gendre idéal pour des bourgeois de droite. Eh bien, je me réjouirais du premier dîner avec ses beaux-parents à Neuilly. Bonjour Guillaume Meurice. Bonjour Alex, vous voulez me pécho, je vois tout de suite. Bonjour Charline. Alors aujourd'hui, en l'honneur de notre invité, on va parler code du travail. Et qui dit code du travail dit Bangladesh. Je suis donc allé voir des gens qui travaillent au Bangladesh. Qu'est-ce qui vous a plu au Bangladesh? Rien. Ouais, enfin, c'est pas tout à fait vrai, vous allez voir. Et à 17h40, on espère que sa compagne aime les préliminaires. Car si dans la vie, il se comporte comme avec ses chroniques, il met plus d'énergie dans le jingle que dans l'acte en soi. Bonjour Thomas VDB. Bonjour Anultou. Voilà, comment allez-vous? Eh bien, ça va très bien. De quoi on va parler? Eh bien, on va parler de ce grand casting organisé par la RATP pour remplir les couloirs du métro de musiciens. C'est le casting des musiciens du métro. Bon choix. Si tu écoutes Janultou, est aussi sur Twitter avec le hashtag Anultou et sur Facebook. Et aujourd'hui, le référent de la République est né sous De Gaulle. Vous devenez soudeur chez Caterpillar en 77 quand Jacques Chirac devient premier maire de Paris. Vous entrez une fois chez Moulinex, vous êtes licencié ensuite en 2001, contrairement à Amélie Poulain qui s'apprête à vivre un fabuleux destin cette année-là. Et succédant à Bernard Thibault, vous êtes élu à la tête de la CGT en 2013 quand les bonnets rouges renversent l'écotaxe. Et donc vous êtes, je vous laisse nous l'annoncer. Vous êtes Thierry Lepont. Oh, c'est lui, c'est lui-même. C'est impressionnant. Sur France Inter. Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Thierry Le Pen, vous êtes une star dans cette émission. Vous avez eu votre moment de gloire, je vais vous le dire. Je l'ai eu, oui. Vous l'avez un peu aidé l'an dernier. Oui. Et vous l'avez senti passer d'ailleurs très douloureusement. Vous l'écrivez dans La vie continue, au Cherche Midi. C'est noté autobiographie parce que vous ne revenez pas que sur cet épisode. Vous revenez aussi sur votre parcours, votre élection à la tête de la CGT. Alors, il y a un passage dans le livre qui nous a frappé. Quand, suite à l'affaire de la rénovation de votre appartement de fonction à la CGT, révélé par le canard enchaîné et tout ce qui a suivi. À un moment dans le bouquin, vous dites « Une dirigeante au très haut niveau de responsabilité au sein de la CGT me dit « Les humoristes s'en mêlent, c'est foutu, tu dois partir ». Oui. Alors, j'imagine que c'est les blagues, ce ne sont pas les blagues à base de pan et de pan de Pizarek, mais bon, les comme humoristes, c'est quand même pas un contre-pouvoir si fort que ça. Mais c'est un indice, quand vous avez senti que les humoristes s'emparaient de votre cas, vous vous êtes dit. Moi non. Dans mon entourage, certains, oui. Il y en a qui ont toujours peur de ce qu'on peut dire, que ça fasse rire ou pleurer, quoi. Bon. Moi, j'ai pris l'humour qui avait été fait. À ce moment-là, à la hauteur des événements, quoi. Bon. Moi, j'ai jamais reproché au Carnet Enchaîné de sortir sa une avec le gourbis de Thierry Le Pen. Mm-hmm. Ce que j'ai reproché au Carnet Enchaîné, c'est d'avoir fait 27 lignes sur l'affaire de Thierry Le Pen à la une et d'en faire 7 pour Balkany. Je trouve qu'il y a une dimension, quoi. Effectivement, il y a deux poids, deux mesures. Ouais, mais Balkany, il faut faire des numéros spéciaux. Oui, Balkany, c'est quand même toutes les semaines. Le Carnet Enchaîné est riche, il peut le faire. Alors, vous expliquez bien, dès le début du livre, que vous prenez conscience de l'écart entre la conscience qu'on a de soi et l'image qui vous est renvoyée dans les médias. Donc, vous comprenez que les humoristes ne s'attaquent pas à vous personnellement, Thierry Le Pen, mais à votre image médiatique. Et bien sûr. Nous, c'était au nom, comme ça. J'ai pas de soucis, puis vous savez, le pan, enfin tout ça, ça fait 55 ans que je vis avec. Oui, j'imagine. Il n'y a pas une grande créativité. On est passé à côté, le pan. Il n'y a pas une grande. Mais il y a un deuxième. On l'a pas fait l'an dernier. Le pan, je t'avais raté. Comment on a pu passer à côté de ça? On a un co-auteur potentiel. Professionnel. Voilà. Alors, il y a un passage du livre où vous expliquez que vous êtes en contact avec un journaliste du Canard qui s'appelle Alain Guédé, qui explique avoir été choqué par le fait que le distributeur de papier dans les toilettes de l'appartement de Vincennes écoutez l'équivalent d'une semaine de salaire pour votre prédécesseur. Effectivement, le Canard s'est assez focalisé sur les toilettes, qu'il avait estimé à une rénovation à 6 000 euros. De la dire que c'est un journal de merde, il y en a qui l'ont fait. Moi, je ne le fais pas. Voilà, le Canard, c'est quand même le dernier journal indépendant de ce pays. Préservez-le quand même. Vous recevez donc Alain Guédé, vous l'invitez à visiter l'appartement. Et je vous cite dans le livre, après un rapide tour du logement, sa tête au-dessus de la cuvette des toilettes pour constater l'objet du litige est sans doute le spectacle le plus savoureux pour moi. Je lui offre une bière afin de l'aider à se remettre de ses émotions esthétiques. Et alors il se met à ce moment-là à me raconter comment, alors qu'il était en vacances, son journal avait reçu une délégation de dirigeants de la CGT. Cette délégation avait communiqué les informations ayant ensuite servi à la rédaction des articles précédemment évoqués. La bière aidant, il est obligé de visiter une seconde fois la plus petite pièce, occasion unique de vérifier ses sources d'informations. Vous avez pris pas mal de recul quand même par rapport à cet épisode. Oui, alors il se trouve que je connais Alain Guédé. Bon. Vous le connaissiez d'avant, vous voulez dire. Il est normand. Mm-hmm. La connexion normande. Il avait essayé de prendre contact avec moi durant les affaires. J'ai pas voulu le prendre au téléphone, comme je ne prenais personne à ce moment-là au téléphone. Ce qui m'a choqué, c'est l'émission de Canal+, au cours de laquelle il y a 3 personnes qui interviennent, et je vois apparaître à l'écran Alain Guédé, qui raconte que mon distributeur de papier à toilette... Dans le supplément de Canal. Voilà, vaut une semaine de salaire de mon prédécesseur. Là, je me suis dit, il y a une limite qui était franchie, quoi. Bon, voilà. Le voir à l'écran, dans mon canapé, un dimanche, dire ça, je me dis, là, Alain, t'as mordu le trait, quoi. Ouais. Et donc, je l'ai appelé. Mm-hmm. Et je lui ai dit, Alain, il faut que tu vois l'objet en question. C'est un peu intéressant. Bon. Il me dit, non, Thierry, je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais je lui dis, mais t'as pas compris, Alain. Je lui dis, mais t'as pas compris, Alain. Si où tu viens, je viens te chercher. Mais de toute façon, tu vas venir voir. Parce que quand même, c'est un bel, tu vas mettre ta tête dans la cuvette. Un bel objet comme ça, il faut que tu regardes. Quoi, voilà. Il a été la gentillesse de venir le mardi suivant à 17h. Et on a passé 2 heures ensemble. La vérité, c'est qu'il ne valait pas une semaine de salaire. Il valait 5 jours de salaire de son prédécesseur. Parce que les généraux, c'est pour payer le dimanche. Alors, vous expliquez évidemment qu'il y a une campagne et que. Bah, voilà, voilà, les choses viennent de l'interne et qu'on a cherché, bien sûr, à vous, bah, ce que vous trouviez la sortie. Oui, je l'ai trouvé. Effectivement, oui, si vous l'expliquez bien dans votre livre, Thierry Lepan, La vie continue, c'est paru au Cherche Midi. Vous avez le sentiment de pouvoir faire contrepoids avec ce livre et de pouvoir vous expliquer où, une fois que le mal est fait, c'est fait, c'est difficile de rattraper le coup et de vous expliquer, c'est bien expliqué en détail dans l'ouvrage. Le mal est fait, je ne sais pas de récupérer quoi que ce soit. J'ai voulu, parce que j'en avais aussi besoin, c'est aussi presque un acte égoïste, hein. J'ai aussi voulu dire aux gens qui avaient été choqués par toutes ces affaires, voilà ce qui s'est passé, voilà ce que j'ai vécu, voilà comment c'est arrivé, voilà pourquoi c'est arrivé, et voilà aussi quelles sont les grandes questions qui secouent aujourd'hui la CGT. Voilà, et ça explique aussi comment fonctionne le milieu médiatique, comment on peut torpiller quelqu'un en interne, etc. Thierry Lepan, La vie continue, c'est au Cherche Midi, pas que, c'est aussi une part de votre autobiographie. Oui. Thierry Lepan, vous êtes avec nous jusqu'à 18h. Et ben, vous avez été un personnage chez nous l'année dernière, c'était normal qu'on vous donne la parole, on avait envie de voir avec vous ce qu'il en était, l'envers du décor, n'est-ce pas, Alex Vizorek ? Tout à fait. Allez, vous êtes sur France Inter, restez avec nous. The tax man's taken all my dough and left me in my stately home, blazing on a sunny afternoon, and I can't sail my yacht. He's taken everything I got. All I've got's this sunny afternoon. Save me, save me, save me from this squeeze. I got a big fat mama trying to break me. And I love to live so pleasantly. Live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon. In the summertime, in the summertime, in the summertime. My girlfriend's run up with my car. I'm gone back to her mom, pa, telling tales of drunkenness and cruelty. Now I'm sitting here, sipping at my ice cold beer, blazing on the sunny afternoon. Help me. Sur France Inter, et qui est autour de cette table? Eh bien, dans l'ordre d'apparition, Hippolyte Girardot, Guillaume Meurice, Thomas VDB, et nous sommes en compagnie de Thierry Lepan, qui est entre de bonnes mains ici à Radio France, puisqu'il a connu à peu près les mêmes soucis que notre président. Qu'on embrasse. Thierry Lepan, qui occupe actuellement le fameux appartement de fonction du patron de la CGT qui a été rénové avec sa magnifique toilette? C'est moi, voilà. Vous êtes toujours dedans? Ah bah voilà. Je suis toujours dedans. Vous avez fait des travaux? Non mais d'abord c'est une tradition. C'est une tradition dans la CGT de se préoccuper du secrétaire général sortant. Bon, moi c'est valable aussi pour le secrétaire général sorti. Voilà, donc c'est comme ça. Et puis je suis en train d'essayer de retrouver des activités professionnelles. Forcément, comme tout le monde le sait, j'habite en Normandie. En Normandie, recruter le secrétaire général de la CGT, c'est quand même pas si facile que ça. Donc mon avenir est parisien et la direction de la CGT m'a proposé de rester dans l'appartement tout le temps que j'ai pas retrouvé une activité professionnelle. C'est voilà. Fraternel. Et Philippe Martinez, qui sera tout à l'heure sur cette antenne dans le téléphone sonne, lui étant parisien, est resté dans son appartement parisien. Eh oui, on n'a pas les mêmes difficultés. Effectivement. Mais j'ai la chance d'habiter en province. Allez, il est temps de remplir notre mission d'information. Et l'année dernière, oui, c'était vous qui faisiez partie de ce journal, Thierry Lepan. C'est l'heure des actualités radiophoniques. Il y a d'autres. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et voici les titres. L'Allemagne a décidé de fermer ses frontières. Étonnamment, pour une fois, l'Alsace reste en dehors du tracé. Rachida Dati exclut du groupe Les Républicains de Paris. Élise Lucet n'a fait aucun commentaire désobligeant sur la carrière de Madame Dati. Et il y aura même, parce que je sais que vous aimez ça, en plus des brèves, un quiz, Charlie. Je cache ma joie. On commence par l'international. Après avoir accueilli les réfugiés à bras ouverts, l'Allemagne a annoncé qu'elle allait désormais surveiller ses frontières. Ouais, dites donc, elle aime vraiment beaucoup les réfugiés qu'elle a fait rentrer. Fermer les frontières pour être certain qu'ils ne repartent pas, c'est tout à fait beau. France à présent, des femmes ont fait irruption au salon de la femme musulmane de Pontoise. Oui, interrompant un débat entre deux imams en train de parler de la question de savoir s'il faut battre ou non sa femme. Et vous en pensez quoi, Alex ? Disons, moi je suis assez mitigé, parce que d'une part, j'étais content de voir des nichons, mais d'autre part, j'ai pas eu la fin de la discussion. Donc je ne sais toujours pas quoi faire avec la mienne. Très bien, passons au gouvernement qui ne rétablira pas la pub sur les chaînes. Ne riez pas, Maurice. Passons au gouvernement qui ne rétablira pas la pub sur. C'est pas drôle. La pub sur les chaînes du service public après 20h. Mais Fleur Pellerin a annoncé une augmentation de la redevance télé de 1 euro. Sachez que si l'impact de la redevance ne dépasse pas la taille d'une pièce de 1 euro, c'est toute la qualité de votre téléviseur qui risque d'être détériorée. Pellerin répond. Pèlerin remplace. Et on passe à Rachida Dati. Après une page de pub. Oui, elle a été suspendue du groupe Les Républicains au Conseil de Paris car elle n'avait pas payé ses cotisations, soit 6 500 euros depuis 2010. Avant d'être exclue, elle aurait donc décidé de quitter le groupe elle-même. Voilà, et elle est très très déçue. On a en exclusivité sa première réaction. Il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été fidèle. J'ai été très heureuse et fière. Nous avions tissé ensemble, je crois, un lien très fort et extrêmement précieux pour c'est moi. C'est dur pour Kershazana. C'était Rachida, vous n'avez pas bien reconnu la voix. Puis c'est triste pour 6 500 euros. Si elle a besoin d'un peu d'argent, je lui conseille de faire un petit tour dans les friperies. Et maintenant, Alex, c'est l'heure du grand moment de cette édition. Le monsieur. Quiz. Ah, c'est le dossier. Tout le monde joue. Attention, il faut trouver. Prends garde à toi, Hanouna. Qui chante ? C'est la foule de la fête de l'humanité, non ? Non, c'est pas Il est où le Mélenchon ? Il est où le... Ah, le rire gras de Marine Le Pen. Exact. Les gens pas sens de l'humour, c'est Bolcho, c'est dommage. Et c'est tellement dommage, venant de quelqu'un qui a un sens de l'humour, c'est bien connu, débordant. On le verra demain matin à la matinale de France Inter. Mais qu'est-ce qu'on se marre chez les fachos ? Sur les images, on voit d'ailleurs bien derrière que Florian Philippot, qui est le seul à pas chanter, parce qu'il se sent un petit peu mal à l'aise avec des gens qui sans doute il considère un peu plus bête que lui. Mais Marine, elle est à fond la caisse. Et quelques infos en bref. Oui, depuis ce matin, 111 nouveaux radars ont été installés, plus performants, ils flashent dans les deux sens. Si vous faites un excès de vitesse sur l'autoroute en marche arrière, vous serez donc désormais verbalisé. C'est pas faux. La grand roue de Paris viendra exceptionnellement s'implanter à Bruxelles dans le mois qui vient. Oui, et si les Français nous refilent toutes leurs attractions qui tournent en rond, en 2017, on va récupérer Hollande. Et on termine par une vidéo qui fait le buzz, comme on dit. Oui, deux militaires français au Mali se sont filmés en train de chanter une petite composition. Ils sont en uniforme, il y en a un qui a la guitare, et ils sont sous une tente, écoutez. L'avions posé sur le Mali, on a vite compris que l'été sera chaud. Ici, pas de filles en bikini, et l'odeur de transpi qui te colle à la peau. C'est pas vrai. Ça bosse sur le front. Je pense que la prochaine fois, pour déstabiliser l'adversaire, on va envoyer Francis Lalanne au combat. Allez, nous sommes sur France Inter. On peut s'amuser à la guerre. En compagnie de notre invité Thierry Lepan. On va aborder le premier sujet avec vous. Le Labour est repassé à gauche, le parti travailliste britannique. Et la politique en revient à moins d'esbrouve, du moins dans l'apparence. C'est le style Jeremy Corbyn, un mélange entre Pablo Iglesias de Podemos et Yanis Varoufakis de Syriza. Le Marcel et le short et chaussettes en plus. Quand le babacool Cradock est sorti de son bus Volkswagen, qu'il avait garé comme une loque devant mon rad, j'ai dit à Bob qui était au flip, viens voir le mariole qui se ramène, vise la dégaine. Quelle rigolade, patchouli, patogas, le guide du routard dans la poche, Hare Krishna à mort. C'est le style Jeremy Corbyn qui a été élu à la tête du Labour, donc le parti travailliste britannique. Lui qui a passé 32 ans à fronder au Parlement par rapport à son parti et qui a voté 533 fois contre sa formation. Désormais, il la dirige. Est-ce qu'il y aurait une conclusion intéressante à tirer en France à ce sujet, Thierry Lepan, vous pensez ? Je pense que nos frondeurs français ont... besoin de patience, voilà. Oui. Tout arrive à point pour ceux qui s'y attendent. Enfin, c'est comme ça. Moi, j'ai découvert son visage dans la presse ce matin. J'ai commencé à lire un peu ce qu'on disait sur lui. C'est quelqu'un qui aime bien les pubs, qui aime bien la bière, qui a l'air sympathique. Mm-hmm. Bon, moi, j'ai bien le rencontré. Il a l'air, voilà. C'est vrai qu'il a fêté sa victoire au pub, mais il boit pas d'alcool, donc c'était sans doute de la bière sans alcool. Ça gâche un peu les ouais, choses. C'est dommage. C'est le petit détail qui manque à Jérémy Corbyn, c'est d'avoir arrosé ça d'une bonne bière. Une bonne biture, là, il gagnait les points. Ouais, mais ça change quand même, parce que là, peut-être qu'on parlera d'alternative plus que l'alternance, quoi. Et c'est quand même la question qui est posée aux Anglais, quoi. Effectivement, c'est une donnée nouvelle. Il a pas fait d'études, il a fêté donc son élection dans un pub, même s'il boit pas d'alcool, il roule à vélo, il porte pas le costard, en tout cas pas à trois pièces ou pas avec la cravate, et il est comme une simplicité et un naturel qui est désormais loué en politique. Il y a un retour au naturel, c'est-à-dire qu'on est allé tellement loin dans le vernis. Vous voulez ça pour moi? Non, il y a une mauvaise blague qui va finir derrière. Non, pas du tout. C'est très classe, pas de cravate. Alors je décris aux auditeurs. Pas sur nous pour les mauvaises blagues. Thierry Le Pen a un costume noir anthracite, une chemise blanche. Vous êtes classe. Mais voilà, il y a pas de cravate. Merci. Vous êtes pas politicien non plus. Ça fait du bien. Qu'est-ce que vous faites Thierry après l'émission? Je voudrais bien visiter l'appartement et la cuvette de toilette. Je vais voir mon petit bébé, une petite bière. D'accord. Alors il y a une autre question, c'est que François Hollande, il a pris le virage récemment que Blair avait pris il y a 15 ans. C'est quand même les travistes sur cette partie de gauche au départ. Blair l'a recentré. Aujourd'hui, le Labour revient vers la gauche. Et eux, ils doivent se poser la question inverse des frondeurs. Ils doivent se dire, mais on reconnaît plus notre parti. Mince, on était au centre droit et on est revenu à gauche. En fait, est-ce que les Anglais ont autant d'avance que ça? C'est pour ça que c'est compliqué à comprendre pour nous. Oui, ça voilà. Nous, c'est encore assez bipolaire. Bon, chez eux, il y a une espèce d'alternance, d'alternative qui est, y compris dans les partis, que ce soit à droite d'ailleurs ou à gauche. Enfin, ce qu'on appelle la gauche, voilà. On voit bien qu'il y a des clivages et que sans doute celui qui prend le parti sera le mieux placé pour gagner les élections. Vous aimeriez avoir Marie-Noëlle Lienemann à la tête du PS? Oh là là. Ou Jérôme Gage? Ma pauvre Marie-Noëlle, si tu m'entends, n'écoute pas ce que je vais répondre. Non mais elle sait que je l'aime bien. Voilà, on a travaillé. Ça vous aura pas échappé. Nous aussi, on l'aime bien. On a travaillé ensemble. D'abord, c'est une bosseuse. Voilà. C'est quelqu'un qui connaît parfaitement ses dossiers. C'est une fille qui a des valeurs de gauche au fond d'elle-même. Voilà. Et qui a prouvé qu'au-delà de ses valeurs, elle pouvait faire des choses qui étaient utiles pour nos concitoyens. Après, est-ce que je la vois comme étant Premier ministre? Bon, ça me ferait plaisir d'avoir une femme Premier ministre. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que voilà, les questions d'égalité, c'est pas seulement dans le syndicalisme, ça doit être aussi en politique. Voilà. C'est vrai, elle fait partie de ceux qui n'ont pas dévié de leur ligne de gauche. Oui, alors, on ne sait pas si elle porte short avec des chaussettes et un Marcel. Ça, on lui demandera la prochaine fois. Je ne sais pas non plus. Comment vous le voyez? Marie de Branchu le porte. Voilà une information. Attention, parce que son mari nous écoute. Oui. Hein, il s'est déjà manifesté. Hippolyte Girardot, comment vous le voyez, vous, Jérémy Corbyn? Il vous paraît sympathique? Pour moi, il me fait penser à un type qui sort d'un film. D'un film de Ken Loach, en fait. Ah oui, il est assez proche de Ken Loach, à mon avis, même au niveau du syndicat, des activités, des choses à faire. Il est sûrement plus politique que Ken Loach, mais je pense que c'est des gens assez proches. Musicalement, une barbe et un Marcel, ça dit quelque chose ou pas, Thomas VDB? Quel chanteur je pense à Carlos tout de suite, évidemment. Je m'en doutais. Ouais, il est 17h30 sur France Inter, Hippolyte Girardot. On a hâte d'entendre ce que vous avez à nous dire aujourd'hui. Mais bon, ça n'a pas à voir avec Corbyn, ça a à voir quand même avec des choses un peu incroyables. En fait, je vais vous parler de Galiléo. Parce que l'espace, c'est vrai, ça paraît loin, tout ça, mais c'est très proche de nous. Alors Galiléo, c'est un réseau de satellites européens. Et la semaine dernière, on en a rajouté 2, ça fait 10 qui tournent autour de nous et qui nous surveillent, nous en Europe. À la dernière fois, ils avaient eu un gros problème de durite, le carburant avait gelé, donc les satellites avaient été largués n'importe comment et ils avaient loupé leur orbite. Or, rater l'orbite pour un satellite, c'est comme pour vous rater l'orbite, quoi. C'est-à-dire comme se retrouver avec sa bite et son couteau en pleine jungle, par exemple. Donc, bref, là, ce jeudi, ils ont bien vérifié l'antigel et Soyouz, la grosse fusée russe qui est en marche quand même depuis 1967, en a envoyé 2 autres et qui se sont bien accrochés à leur orbite. Il n'y a plus qu'à en envoyer 20 autres et Galiléo va fonctionner. Le problème, c'est qu'il faut qu'ils soient tous compatibles quand ils seront les 30 là-haut. Il paraît que c'est pire qu'une réunion à Bruxelles. C'est l'enfer. Et pour faire quoi? C'est là où ça devient intéressant. C'est pour faire un super système GPS. D'accord. Mais On n'en a pas déjà un dans nos téléphones, un système GPS et qui marche? Oui, c'est vrai. Mais il est américain. Alors, l'Europe est méfiante. Parce que les Américains, on les connaît, hein. Ok, quand ils reviennent de leur trekking en Afghanistan et qu'en bonus, ils nettoient le Thalys, on leur file la Légion d'honneur. Ok, pas de problème. Ils mettent des bonnets en laine et la toison pubienne de leur mère sur leur visage pour faire croire qu'ils sont tous cool à Brooklyn. Ok, mais en même temps, ils nous espionnent, ils nous écoutent et ils veulent qu'on achète leur maïs OGM. Et donc, pour les satellites et tout ça, on fait affaire avec les Russes. C'est une vieille histoire, ça tient et on veut notre GPS à nous. En même temps, est-ce qu'il n'y aurait pas une arrière-pensée politique? Parce que les gens ne lisent plus de cartes maintenant, ils regardent leur smartphone. Alors imaginez qu'en Europe, le seul système qui irait, ce soit Galiléo. Rien de plus facile que de donner de fausses indications. Un migrant arrive en Europe, il tape « Allemagne bitte » sur son téléphone et hop, Galiléo l'envoie direct en Amérique ou en Arabie Saoudite. Voilà. En fait, quand ils ont merdé avec la satellite la dernière fois, c'était juste une répétition. Parce que la vraie mission, la mission cachée de Galiléo, c'est justement de nous faire changer d'orbite. Merci, Pauline Girardot. Cette chronique scientifique. Oui, c'était un peu de la géopolitico-scientifique. C'était Michel Chevalet. Une autre, je sais pas comment dire. Mais vous savez tout faire, vous savez tout faire, Pauline Girardot. Vous savez quoi? On va oublier ce lien avec le cinéma. Oui, vous avez raison. Parlez-nous de ce que vous voulez. Mais non, je suis avec monsieur Thierry Lepan, je suis pas avec un. Thierry Lepan, qui est notre invité jusqu'à 18h. Je rappelle le titre de votre ouvrage, La vie continue, paru au Cherche Midi. Allez, on passe un peu de temps avec une chanteuse marocaine qu'on aime beaucoup, qui s'appelle Indizara. Qui est déjà venue. Qui est déjà venue, qui chante Un jour. C'est la playlist France Inter, l'occasion de dire merci à Djoubaka, notre programmateur musical. Je vais dans vos yeux l'éternel, la promesse. êtes monté dans la bonne voiture du bon train sur France Inter. Vous êtes dans Si tu écoutes, j'annule tout en compagnie de Thierry Lepan. Thierry Lepan, est-ce que vous êtes manqué de Thierry Lepan l'année dernière? Jamais. J'ai beaucoup de respect pour la CGT et les toilettes. Voilà. Et c'est pourquoi nous vous donnons la parole tout de suite, Guillaume Meurice. Oui, bien moi, je vais vous parler travail aujourd'hui. Alors évidemment, le travail autour de la table, hein, vous connaissez pas. On peut pas dire que c'est ça qui vous étouffe. Hein, Gérardo, par exemple, gagner sa vie en faisant l'amour avec Sophie Marceau devant une caméra, on appelle ça du travail. Hein, avec Mardi Lalonga, d'accord, on peut appeler ça du travail. Ou alors, à la limite, discuter avec Sophie Marceau, ça c'est un travail, mais bon, là, c'est un scandale. Bon, je parle même pas des autres parasites sociaux d'intermittents du spectacle présents ici, ni de Thierry Lepan, hein, cette feignasse gauchiste, pléonasme, évidemment. Voilà. Bon, en tout cas, ça suffit, je vais remettre de l'ordre dans tout ça. Macron veut alléger le code du travail, il a bien raison. Pour en parler, je suis allé au salon TexWorld, le salon des professionnels du textile, plus précisément sur le stand du pays où le travail n'est pas un mot stigmatisé comme en France, le Bangladesh. Voilà. Alors, le Bangladesh, comment vous dire, c'est le Viagra de Pierre Gattaz. Voilà, quand il n'arrive pas à bander, il pense au code du travail du Bangladesh. Et là, ça va tout de suite mieux. D'ailleurs, est-ce qu'il existe un code du travail au Bangladesh? J'ai mené l'enquête avec un fabricant de tissus de ce pays qui faisait quoi? Exporting to Europe, USA, Canada. We are planning to expand our business in France. Do you know code du travail? No. Work reglementations. Work. Reglementations. No, I don't understand this one. Yeah. Bon, ça le fait marrer, en tout cas, ça le fait marrer. Alors, peut-être qu'il n'a pas compris à cause de moi, parce qu'en anglais, on dit davantage regulations ou rules. Eh oui, mais moi, je ne parle pas le Wall Street English, donc c'est de ma faute. Mais il y a bien un code du travail très strict au Bangladesh. Tenez, allons voir des Français qui ont une usine là-bas. Ben, on a délocalisé l'usine. Au niveau du coût, comment voulez-vous dire ah, c'est parce que quasiment du simple au double. Et le code du travail du Bangladesh, il est comment? Comme chez nous. C'est vrai? Oui, c'est pareil. Il y a des syndicalistes et tout? Oui, oui, bien sûr. Et la CGT du Bangladesh? Non. Non, il n'y a pas la CGT au Bangladesh. Je ne sais pas pourquoi, une allergie aux merguez, hein, sans doute. Mais il y a d'autres syndicats, il y a même des grèves au Bangladesh. Bon, la dernière grande grève, c'était en 2013. Il y a eu 150 morts. Mais bon, c'est parce que le CRS bangladais, il est un peu nerveux. Hein, et puis, manque de bol, il est armé. Ah oui, mais bon, c'est simplement un concours de circonstances. Mais on peut travailler avec des usines au Bangladesh. Est-ce que ça pose des problèmes d'éthique? Demandons à une acheteuse présente sur le stand. Non, ça pose pas de problème d'éthique parce que ça fait travailler aussi beaucoup de pays qui, sans notre activité, seraient pas sortis de leur pauvreté. Et non, c'est un bon partenariat. Il y a un problème d'éthique quand il y a un problème d'équilibre. Or là, c'est pas un plus fort que l'autre, c'est les deux ont besoin de l'un et de l'autre pour travailler. Le rapport de force est égal entre vous et un employé du Bangladesh? Bien sûr. Bah voilà, je vous le dis. Évidemment. Mais il n'y a aucun souci, c'est égal. Enfin, égal, c'est vite dit, parce que le salarié du Bangladesh, il fait peut-être une journée de 18 heures, mais quand il a fini, il rentre tranquille chez lui. Alors que notre acheteuse, elle, ben voilà, elle peut même pas faire du shopping peinard sans que ça lui rappelle le boulot. Et ça, quand même, c'est dur, ok? Excusez-moi, je m'énerve, mais les injustices, à un moment donné, ça va, quoi. Hein, bon. Heureusement, parmi toutes les préoccupations de cette acheteuse, elle n'a pas à se soucier du bien-être de l'ouvrier bangladais, parce qu'elle sait qu'il travaille dans d'excellentes conditions, n'est-ce pas? Il y a des zones pour les femmes, des zones pour les hommes, pour éviter d'avoir des problèmes de viol ou voilà. Il y a des endroits pour manger. Souvent, voilà, il y a des récupérations. Ils ont une heure pour manger le midi. Ils peuvent faire la sieste l'après-midi. Enfin, c'est plus. Ils sont mieux que chez nous, quoi. Peut-être dans certaines usines, peut-être. Ouais, c'est vrai, faut y aller, hein. La sieste. Mais oui, on va y aller, ma grande. C'est le paradis du salarié, le Bangladesh. Vous avez entendu, on peut même faire c'est des dingue. Siestes au travail, quoi. Sans se faire violer. Mais oui, sans se faire violer, c'est parfait. Oui, c'est quand même parfait. Important, c'est le bonus. Ouais, ouais, c'est une bonne idée, les siestes. Le salarié bangladais et le sénateur français, c'est kiff-kiff, finalement. Alors, quand même, problème, comme les salariés du Bangladesh vivent comme des nababs. Du coup, nos prix de vente sont plus élevés. Et ça pose problème, parce que le distributeur, eh ben, il veut pas payer plus cher. Donc ça, c'est un gros souci. Ah merde, alors ouais, on est obligé de les payer, du coup. Bah, on est, voilà, c'est un peu... Oui, c'est un problème. C'est un équilibre, voilà. Donc, il n'y a pas de problème d'éthique quand l'équilibre est respecté. Et moi, je me sens tout à fait à l'aise dans le métier que je fais. Mais tu peux être à l'aise, ma chérie. Il n'y a aucun problème. Oh là là là là. Te laisse pas emmerder par les saloperies de droits de l'hommiste, ça. Je vous rappelle qu'on vit dans un pays où droits de l'hommiste est une insulte, hein, quand même. On progresse. Et le salaire du Bangladais, est-ce qu'il progresse? Demandons à un commercial qui travaille avec ce pays. Le salaire moyen a été doublé. Vous étiez à $50, vous êtes maintenant à $100. c'est pas énorme. Mais vous, ça vous pose pas de problème de travailler avec des gens qui sont sous-payés ? Voilà, c'est là où on commence à rentrer dans une discussion un peu plus compliquée. Ça m'empêche pas de dormir. Mais oui, mais vous avez bien raison, monsieur. Continuez à fermer les yeux, faites de beaux rêves et laissons le cauchemar au Bangladesh. Merci, Guillaume Meurice. C'est édifiant, Thierry Lepin. Oui, oui. C'est le mot, je pense, qui est à la mode en ce moment, c'est décomplexé. Non, mais c'est décomplexé. Oui, oui, oui. Oui, peur de rien, quoi. Ni de personne, c'est formidable, je trouve, moi. On vit dans un monde formidable. Eh oui, voilà. Guillaume Meurice, merci. Et l'occasion de remercier la personne qui vous donne un petit coup de main. Oui, plus, Zora, un gros Zora, coup de pouce. Zora, merci beaucoup. C'est elle qui m'aide à avoir des accréditations. Syndicalement, c'est possible ça ? C'est possible, c'est syndicalement, possible. On lui demandera. Elle est payée comme une salariée du Bangladesh à peu près, donc elle fait des siestes et tout, c'est incroyable. Nous sommes toujours en compagnie de Thierry Lepin et avec vous, on va aborder le deuxième sujet. La quiétude de Vesoul en Haute-Saône est troublée par le débarquement de 12 ministres, un tiers du gouvernement plus le chef de l'État. À 3 mois des élections régionales, le gouvernement prend comme ça un jour la clé des champs. Peu de Charlotte Julien sur France Inter, ça faisait longtemps. Ça faisait très longtemps, moi. Je ne sais même pas si ça a eu lieu un jour. Alors, voilà, donc il y a 12 ministres qui sont partis dans la région de Vesoul voilà, prendre contact avec le monde rural. Chacun participe à son petit atelier. Hein, oui. Ségolène Royal dans une résidence étudiante à énergie positive. Myriel... c'est très rigolo. L'isoler dans le Parisien aujourd'hui en France, c'est pas mal. Myriam El Khomri, notre nouvelle ministre du chômage, visite un pôle emploi rural, donc. Normal. Et votre amie Marie-Lise Lebranchu, monsieur Lepin, Marie-Lise Lebranchu, à la décentralisation, rencontre d'agents territoriaux à Vesoul. Ce gouvernement n'a absolument pas peur du ridicule. Là, on y va, hop, hop, hop, on y va, les vannes sont ouvertes, non ? Oui, enfin, c'est un voyage qui fera date, sans doute. Compte tenu de ce qu'il en est, attendu. Ça peut relancer Vesoul comme capitale de la France potentiellement. Ah ouais, ça peut la faire connaître. Je pense qu'il y a plein de gens qui ce matin ont pris une carte et ont regardé où était Vesoul. Ça c'est vrai. Déjà, vous n'avez pas tort, c'est vrai. Nous on l'a fait. Mais oui, non, moi je savais très bien que c'était Vesoul. C'est ma capitale à moi. Je salue le lycée Édouard Belin à Vesoul. Très bien, allez-y. Vous interrompez. Non, mais la ministre du Travail, je pense qu'il faut qu'elle s'occupe du travail. Le problème c'est que dans notre pays aujourd'hui, la ministre du Travail, on lui demande une seule chose, c'est de commenter les chiffres du chômage. C'est quand même pas terrible. Voilà. Donc moi à sa place, je laisserai Jean Bassère dire quel est le score attendu en termes de progression ou diminution du chômage, et je m'occuperai du travail. Il y a quand même 80% des gens qui travaillent aujourd'hui, on n'en parle jamais. Ils ont un ministre, mais elle s'occupe du chômage. Voilà. Donc, peut-être qu'il faut s'occuper aussi du travail. C'est une vraie question politique. Qu'un tiers du gouvernement prenne l'air comme ça, leur fait du bien, c'est bien. C'est bien. Moi, je suis favorable. Qui découvre la ruralité, qui découvre des gens, on leur reproche toujours d'être entourés de jeunes énarques, bien pensants, bien habillés. Bon, voilà, qu'ils aillent un peu dans les champs, ça leur fait du bien. Ils sont pas partis faire une randonnée en âne. J'ai vu la photo. Il y a une légère progression parce que au mois de mars, ils étaient partis à Lens, dans l'Aisne. 12 ministres avaient eu la réunionite et ils étaient restés enfermés dans une pièce alors qu'ils étaient dans la campagne. C'était quand même bête. Donc cette fois. Si le mot d'ordre, c'est cette fois il faut coller au terrain, dit le président, coller au terrain. Hippolyte Girardot. Ce qui me fait marrer, c'est chacun sa mission. Alors ce qui serait bien, c'est que ce soit. Ok, ils partent à Vesoul, mais en plus ils vont pas du tout dans leur sur leur secteur. Ça serait beaucoup plus drôle, quoi. Ça serait beaucoup plus intéressant. Ah, mais là, ça demande un esprit, d'ouverture. Peut-être vous leur en demandez beaucoup. Alors il y a notamment une visite du fabricant de meubles Parisot. Ça vous dit quelque chose, Thierry Lepin ? Le fabricant de meubles, non. Ce nom. L'ancienne présidente du MEDEF. Et voilà, oui. C'est la famille. Oui, c'est la famille de fabrication de meubles en kit. Je sais bien, oui. Donc, oui. Ça vous donne des idées de reportage, Guillaume Meurice ? Je vais retourner à Vesoul alors à ce moment-là. Il n'y a pas Bombourg qui fait l'ameublement. L'ameublement en kit made in France, c'est Parisot. Écoutez, moi je ne le savais pas, j'ai découvert ça. Donc, quand même, ça a du mérite, cette petite visite. Enfin, écoutez, ils prennent l'air. C'est vrai que les heures de la République, à un moment. N'est-ce pas, Thomas VDB ? Oui. J'étais en train de complètement d'être d'accord avec vous. Ouais. Je me doute. C'est le genre de sujet qui vous passionne, je le sais. Je suis en train de prendre des notes, même. C'est vrai. Mais c'est vrai. C'est vrai. Mais regardez, ils sont pas mignons. Regardez, aujourd'hui en France, je vous le conseille. Thomas VDB, c'est à vous, profitons-en. Actualisique dans la peau, c'est un mélange de musique et d'actualité. C'est le moment de s'informer et en même temps de chanter. Très bon jingle zouk. Eh oui, mais ça bosse moi le week-end. Ça y est, on a l'info, on l'attendait impatiemment. Elle est tombée ce week-end sur le fax de la maison de la radio. C'est la semaine prochaine qu'aura enfin lieu le grand casting des musiciens du métro parisien. Chouette. Le casting qui permettra à des musiciens de jouer dans les couloirs du métro. Vous savez, je suis bien conscient que ma mission dans le cadre de l'actualisique, c'est bien sûr d'informer, mais aussi de faire rêver l'auditeur. Et de l'emmener dans un univers qui n'est pas forcément le sien, celui du strass, des paillettes et du glamour parisien. Alors, quand on rêve de faire carrière dans la musique, on sait qu'il faut évidemment y aller petit à petit. Hein, on commence dans une petite salle, on est au Limonaire, ensuite on passe au Divan du Monde, et puis un jour on est à la Cigale, pour enfin terminer peut-être à Bercy, qui est le nec plus ultra des scènes parisiennes. Et bien dans le métro parisien, c'est pareil. Hein, on commence petit, à Charonne, au métro Simplon, puis un jour on a à peine le temps de s'en rendre compte qu'on est déjà station Franklin Roosevelt, tout en espérant un jour peut-être atteindre le Graal absolu, faire un concert à Havre-Comartin. Alors donc pour avoir le droit, station Bercy, on pourrait même jouer à Bercy. Évidemment, c'est le rêve de beaucoup de musiciens du métro. Alors donc attention, parce que pour avoir le droit de jouer dans le métro à Paris, ça se fait pas comme ça, donc il faut passer un casting. Exactement comme à Star Academy, à ceci près que les répétitions ne se font pas dans un château, mais métro château d'eau. Et puis on sait d'ailleurs que beaucoup des jeunes qui échouent au casting de la Star Academy tentent finalement leur chance au casting des musiciens du métro. Mais pas seulement. Hein, je sais pas si vous vous rappelez de Magali Vahe, qui avait gagné la Star Academy il y a quelques années. Et ben, si vous la cherchez, elle est tous les jours Porte des Lilas, à côté de la sortie qui donne sur les Maréchaux. Alors bien sûr, l'objectif de ce casting à terme, il est simple, c'est évidemment de savoir qui est le meilleur musicien du métro, c'est-à-dire celui qui donnera la meilleure interprétation possible de Volare, oh, cantare, oh. Alors bien sûr, certains ne s'embêtent pas non plus à passer le casting. Hein, je tombe régulièrement sur un gars qui met très fort son radiocassette dans le métro pour faire ce que j'imagine plus ou moins être une sorte de rap roumain. Je pense que lui, il a triché, il n'a pas passé le casting. Hein, puis, alors, il faut savoir qu'en organisant ce casting, évidemment, la RATP veut se placer sur l'échiquier de la culture française. Hein, faut savoir que selon le communiqué qu'ils ont envoyé, le métro est la plus grande scène de Paris. Hein, c'est un peu ce que j'appelle voir midi à sa porte, parce que si le métro c'est la plus grande scène de Paris, alors on peut dire que c'est la salle de spectacle avec les spectateurs les moins attentifs de Paris. D'ailleurs au casting, faut savoir que le musicien jouera son morceau devant un jury composé de membres qui écoutent de la musique sur leur iPod en lisant le journal et en étant serrés les uns contre les autres. Ça c'est pour la partie sudation du casting, mais le casting est également composé d'une partie théorique. Avec des questions comme « T'es à Montparnasse, tu dois aller à Gallieni, tu changes où pour aller au plus rapide ?» Voilà, sachant que pour cette partie théorique, évidemment, le jury sera présidé par Laurent Deutsch, qui est incollable sur tous les changements les plus rapides en métro. Et donc, à l'issue de chaque passage, eh bien, le jury se prononcera pour dire si le musicien est capable de dire s'il y a le niveau pour être joué dans le métro ou s'il n'a pas le niveau. Et s'il y a le niveau, eh bien, les gars du jury pourront dire « J'aime bien ta musique, il y a une vraie originalité, il y a une vraie identité, je pense que t'es mieux pour la ligne 8. » Voilà. Alors enfin pour terminer, il faut savoir que j'aime citer mes sources et j'aimerais préciser que pour la préparation de cette chronique, j'ai tenu à revoir un film culte que j'avais adoré à l'époque, un film qui finalement rend hommage aux musiciens du métro. Ce film c'est Subway, avec Christophe Lambert et ses cheveux peroxydés, avec Jean Reno à la batterie, Eric Serra à la basse. Et donc je vous le dis tout net, puisque évidemment je commence ce paragraphe par ça, ce film... faut pas le revoir. Merci à tous et très bonne journée. Merci Thomas VDB, que vous pouvez revoir aussi en vidéo, parce qu'il y a la gestuelle d'une jingle. Ah, le rap roumain, c'était énorme. Et le rap roumain, c'est... La gestuelle de l'actualisation. Exactement. C'est un tout. C'est un tout, vous êtes bien sur France Inter. Nous sommes toujours en compagnie de Thierry Lepan et de musique, il en est encore question, Thierry Lepan, dans ce troisième sujet, parce que le métal est désormais un genre musical qui plaît à toute la famille. C'est merveilleux. Et en plus, c'est Le Figaro qui l'a écrit. Donc, c'est vous dire si la situation est désespérée. Quelle différence y a-t-il entre le bon et le mauvais hard rock ? Donc, le bon hard rock, c'est un mec qui est sur scène, tu vois, il a la guitare, et puis il crache, tu vois. Et le mauvais hard rock, le mec, il a la guitare. Il est sur scène, il crache, mais... Bah, si tu veux, bon... C'est simple, hein, le mauvais hard rock, le mec, bon, il a la guitare, il crache. Alors que le bon hard rock, bon, le mec, il a la guitare, il crache, ça n'a rien à voir. C'est question, tiens, le mec qui fait du mauvais hard rock, il arrive, il prend la guitare, il crache, tu vois. Je veux dire, c'est évident, il y a le bon et le mauvais hard rock. Comment faire un sketch avec trois mots quand même, parce qu'il reste toujours la même chose. Mais c'est toujours aussi beau, vous aurez reconnu les inconnus, bien sûr. Mais c'est quoi la différence entre le bon et le mauvais hard rock, Thomas VDB? Bah, le mauvais hard rock, je dirais que le guitariste, il arrive sur scène, il crache, quoi. Voilà. Que le bon hard rock, c'est pas pareil, le mec, il arrive, mais il crache. Ah, donc c'est non, vraiment non, comme ça? Non, mais après, non, il y a plein de différences. Après, il y a plein d'écoles, il y a plein de sous-genres dans le métal. Ah, et après, ça rigole pas dans les sous-genres du métal. Faut pas dire à quelqu'un qui fait du hardcore, qui fait du glam ou du trash, par exemple. Parce que sinon, Est-ce que c'est pas après 4 ou 5 bières que le mauvais hard rock devient du bon? Le mauvais hard rock devient du bon hard rock, ouais, exactement. Il y a du genre et du sous-genre. Bon, alors, en tout cas, c'est un article, pleine page dans Le Figaro. Le métal ne rouille jamais. Voilà, longtemps considéré comme infréquentable, le hard rock connaît aujourd'hui un sursaut spectaculaire. Alors déjà, je me demandais, Thierry Lepin, est-ce que vous êtes un petit peu métal, CGT métal ou que métal ou... Si vous avez lu mon livre, ce que je ne doute pas, vous devez savoir que j'étais chaudronnier. Oui, bien sûr. Donc j'ai transformé le métal. Ah, mais oui, c'est vrai. Mais oui, ah, mais voilà. Oui, alors, derrière le jeu de mots, il y avait une vraie réponse. J'avais peur qu'il y ait tout un passage. Et donc, à cause de ça, on était censé avoir la réponse à la question qu'on vient de vous poser. Je me suis dit, mince, j'ai loupé le passage sur le heavy metal, mais non. Non, après, ce genre de musique, c'est vraiment pas mon truc, j'y comprends rien. Voilà, c'est vrai que c'est un truc de puriste quand même. Ah oui, vous êtes allergique, ça vous. Ouais, vous n'arrivez pas à écouter. J'écoute pas. Vos parents vous emmenaient voir quel genre de spectacles musicaux ou vous écoutez quel genre de musique? Oh, mon père écoutait Tino Rossi, c'est dire si j'ai été victime assez jeune. il écoutait Bert Silva, donc ça vous dit rien du tout. Si. Ah si, quand même, bon. Voilà, et ma mère, elle écoutait Pierre Perret et ouvrait la cage aux oiseaux. Voilà. Ah. Plutôt chanson française chez Le Pen. Quand on s'appelle Le Pen, c'est pas mal quand même. Tout à fait. C'est vrai. Après, moi j'écoute un peu de tout, voilà. Vous êtes éclectique. Oui, sauf ce genre de musique. Et c'est marrant parce qu'il y avait un député il y a quelques années en France à l'Assemblée nationale qui est depuis décédé, qui s'appelait Patrick Roy, ouais. Et qui à plusieurs reprises, et les passages existent sur Dailymotion, à l'Assemblée nationale a pris la parole pour défendre les intérêts de la musique métal en France. Et il y a deux ou trois discours de lui qui existent en vidéo sur Dailymotion où c'est la première fois qu'on voit un député rentrer autant dans les détails. Moi je pense à des groupes de trash du sud qui se battent et qui sont défendus dans les pages de Hard Rock Magazine. Et le mec il raconte vraiment tout le hard rock vraiment, mais à l'Assemblée Nationale. Ah bon, ça j'ai jamais écouté. Vous voyez, ça c'est une page d'actualisique aussi, Thomas VDB. Absolument, vous m'avez volé un sujet là, je pense. Mais pas grave, vous pouvez développer. Et la mode s'est emparée du genre, c'est la question de cet article dans Le Figaro. La mode s'est emparée du genre avec, par exemple, la musique qui est diffusée sur les podiums des défilés ou les t-shirts à l'effigie des groupes. Là, c'est un petit peu la World Company, la consommation qui a même avalé le métal, quoi. Ils sont... Eh ben oui, il y a du business à faire dans ce pays. Il y en a qui le font, quoi. Il y a du business avec les t-shirts. Tout est bon. Je suis sûr qu'il y a des t-shirts de métalleux dans les grèves de CGT. Oh oui, sans doute, bien sûr. Ouais. C'est un peu la playlist des manifs. Non, parce que sinon, ça excite tout le monde. Iron Maiden, Metallica. Oui, il y en a sans doute qui portent ce genre de t-shirt. Bon, généralement, quand on manifeste, et qui fait beau et qu'on est en t-shirt, on a un slogan dessus, quoi, voilà. Donc voilà, quand on voit métal, généralement, faut se méfier, ce sont des métallos, quoi. Hein, voilà. Faut pas chercher la bagarre, quoi. Le métal ne rouge jamais, je vous renvoie à cet article du Figaro. À cette heure-ci, Thierry Lepin, c'est un moment particulier. C'est un moment particulier, on va vous encanailler. C'est l'heure du sketch surprise. Est-ce que vous acceptez de jouer un rôle qui n'est autre que votre rôle? Et je vous ai imaginé cherchant du travail, et où c'est le meilleur endroit pour chercher du travail? On va au MEDEF, où vous tombez sur Charline Vanhoenacker qui vous y accueille. Là, c'est dur parce que j'ai pas mes lunettes. Attention, Hippolyte Girardot transfère lunettes. C'est la musique du MEDEF. Ça va m'aider. Ça va vous aider. Ouais, bonjour monsieur, que nous vous votre visite? Bonjour, je viens chercher du travail. Hein. Ah oui, mais nous ici, ce qu'on préfère, c'est en donner le moins possible pour limiter les coûts. Si vous voulez, je peux diviser mon salaire par deux. Ah, ça nous intéresse. Alors vous cherchez quoi comme job? Eh bien, j'aimerais bien être président du MEDEF. Hein. Ah oui, mais nous, on a déjà un président. Je sais. Et il ne compte pas démissionner. C'est ce qu'on dit. Mais moi non plus, je ne voulais pas quitter mon poste. Mais monsieur, qu'est-ce que vous avez comme expérience pour... Vous avez de l'expérience pour diriger un syndicat, vous? J'ai déjà dirigé un syndicat. Non, mais lequel? La CGT. Ah, mais attendez. Diriger le MEDEF après la CGT, c'est comme diriger les laboratoires servis après du tel lag. Écoutez, vous pensez bien que ça m'amuse encore moins que vous. J'ai besoin de boulot. Non mais vraiment, on ne cherche pas un nouveau président. Hein. De toute façon, il faut avoir été grand patron pour accéder à ce poste. Mais j'étais le grand patron de la CGT. Vous verriez le budget, les tracts et les banderoles. Il faut aussi avoir été sur le terrain pour affronter des concurrents. Bah, vous verrez que ce que je leur ai mis dans la rue, à FO et à Sud. Peut-être, mais enfin encore une fois, le poste n'est pas libre, monsieur. Il y a bien un dossier sur lequel Gattaz est attaquable. Genre un porte-savon en ivoire dans sa salle de bain. Ouais, écoutez, balancer des dossiers aux médias, ça, c'est vraiment de la traîtrise. Hein. Tout à fait, mais je peux vous dire que ça marche. Vous voulez dire que vous seriez prêt à aller jusqu'où pour ce poste alors? Vous balanceriez tout à la presse? Disons que, pour une fois, le canard m'apporte un emploi, je suis prêt. Bon, alors je vous le dis, Gattaz, c'est le père biologique d'Emmanuel Macron. Voilà. Non. Si, il l'a eu avec Christine Lagarde. Non. Si, alors, vous balancez ça et puis bim, vous avez le poste. Hein. Génial, ça me donne envie de chanter. Vous connaissez l'international? Ah oui, mais enfin ici on a une autre version. Hein. C'est l'OPA finale. Vous voulez chanter avec nous, Thierry Lepoing? International. C'est l'OPA finale. Thierry Lepoing dans le rôle. Vous êtes prêt pour aller au MEDEF? Mais oui, il me semble Thierry Lepoing dans le rôle de Thierry Lepoing. Vous occupez d'illettrisme maintenant? Depuis toujours. Depuis toujours, ça même, fait, mais là vous là, avez un peu plus de temps, on va dire. Là, je vais redevenir sérieux. Oui, ça fait 20 ans que je me passionne pour ces questions-là. C'est une vraie question identitaire, une vraie question nationale, une vraie question populaire, mais pas seulement. C'est aussi l'accès à la citoyenneté, c'est aussi pouvoir se comprendre, pouvoir se parler, pouvoir se repérer dans le monde dans lequel nous sommes. Bon, j'ai eu l'occasion de travailler à plusieurs reprises sur ces questions qui sont souvent des questions dramatiques qu'on a du mal à appréhender, qui concernent aussi, contrairement à ce qu'on croit, le monde du travail. Je rappelle qu'un salarié en situation d'illettrisme sur deux est au travail. Et c'est un message notamment à Emmanuel Macron. Thierry, et à qui Nadine avait parlé. Morano, qui se sent concernée, bien merci. Évidemment. Merci beaucoup Thierry Lepoing. Je rappelle votre ouvrage « La vie continue » au Cherche Midi. C'est aussi votre parcours et puis l'affaire évidemment de l'appartement, etc. Merci à tous autour de cette table. Je laisse le mot de la fin à Manuel Valls, arrivé en classe verte de gouvernement à Vesoul. Je suis sûr qu'il y a des jambons crus de montagne. Tu sais qui tue encore jambons crus eux-mêmes, hein?